franceinter.com. Dans sa partie, c'est le plus grand. Plus grand encore que ce Jacques Monsieur dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est le plus grand, ou plutôt, c'était le plus grand marchand d'armes du monde, car depuis le printemps 2008, Victor Bout dort dans une prison thaïlandaise. Un seul chiffre donne une idée de l'envergure de son entreprise. Bout a possédé jusqu'à 60 avions de transport, la flotte aérienne privée la plus importante au monde. Des appareils appartenant à des compagnies fantômes ou éphémères qui ont déversé des centaines de tonnes d'armement dans les endroits les plus chauds du monde et qui ont donc alimenté les guerres les plus atroces et permis qu'elles se poursuivent. Marchand de mort, comme l'a qualifié un ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Victor Bout était par conséquent une multinationale à lui seul, un personnage qui a bâti une immense fortune et qui a pendant des années nargué les polices de nombreux pays, malgré les mandats d'arrêt internationaux décernés contre lui. Mieux, en dépit de ses poursuites, il a parfois mis ses avions au service de l'ONU ou des forces armées américaines ou britannique. Victor Bout, c'est évident, a donc bénéficié tout au long de sa carrière criminelle de puissantes protections. C'est ce que nous verrons avec M. X. Mais mon interlocuteur se propose aussi d'expliquer comment et pourquoi l'insaisissable et prudent Victor Bout a fini par tomber dans le piège qui lui a été tendu. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corozaux, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet. J'ai rempaillé les chaises, réparé les billets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateur pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foudront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous nos ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car quand ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde. Canon en solde. Et pour une fois, si vous le permettez, commençons par la fin. Mais quoi, alors la chute de Victor Bout? Auparavant, rapprochons deux dates. 2004, Les avions cargo du trafiquant transportent des matériels divers en Irak pour le compte des autorités états-uniennes. Et sur l'aéroport de Bagdad, ces appareils font leur plein de carburant sur les contingents de kérosène alloués aux forces armées de Washington. Et au début de 2005, ces mêmes avions sont encore au service de l'armée britannique stationnée en Irak. 2008, trois ans plus tard, Victor Bout, traqué par l'administration américaine, est interpellé par la police thaïlandaise à l'initiative d'une agence des États-Unis. Alors, que s'est-il donc passé pour que cet homme si utile devienne un mouton noir? Ça mérite en effet qu'on s'interroge. Je vous promets que je vais essayer de vous apporter des réponses. Mais voyons d'abord le mécanisme du piège dans lequel est tombé Victor Bout. Curieusement, c'est une branche de l'administration américaine qui a diligenté cette affaire. Ce n'est donc pas la CIA. Et encore moins une agence de renseignement dépendant du Pentagone. Non. Parce que les militaires états-uniens avaient eu au contraire de bonnes raisons de se féliciter de leur collaboration avec le trafiquant. Par conséquent, c'est la DEA, la Drug Enforcement Administration, qui a piloté l'opération. Je croyais que cette agence s'occupait essentiellement du trafic de drogue. Ah, mais à l'occasion, elle s'intéresse aussi au trafic d'armes. Et a fortiori, quand les deux sont mêlés. À l'origine, il y a donc une information qui parvient à la DEA. Bout serait susceptible de fournir des armes aux FARC colombiennes. Oui, des guérilleros qui se financent avec le trafic de cocaïne. Voilà. La DEA décide donc d'appâter le marchand d'armes. Deux de ses agents prennent contact avec l'un de ses représentants en se faisant passer pour des militants des FARC. Et ils affirment vouloir acheter pour plusieurs dizaines de millions de dollars d'armement. Un énorme marché en perspective, ça. Oui, et ça tombe au meilleur moment pour Victor Bout. En effet, le Trésor américain vient de le frapper au portefeuille. Tous ses avoirs bancaires aux États-Unis ont été gelés. Et il y en a pour 6 milliards de dollars. Mais pourquoi cette décision du Trésor américain? Il s'agit d'une conséquence indirecte des poursuites engagées contre le sanguinaire dictateur libérien Charles Taylor, un complice de longue date de Victor Bout. Mais bon, ça, nous verrons ça un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Mm-hmm. Sachez simplement que le Trésor américain, en s'attaquant à Charles Taylor, a aussi décidé de geler les avoirs de tout son entourage. Et Bout en fait partie. Tout à fait. Donc, la proposition des faux envoyés des FARC lui paraît particulièrement alléchante. Et la négociation commerciale commence. Directement avec Bout? Non, ce sont d'abord des intermédiaires qui discutent. Mais l'objectif est bien sûr d'obtenir un contact direct avec le trafiquant d'armes. Où se trouve-t-il alors? À Moscou, où il se sent en parfaite sécurité. Et où les agents américains ne peuvent pas l'atteindre. C'est évident. Ouais. Il lui est donc d'abord proposé de rejoindre une petite île des Antilles, Curaçao. Mm-hmm. Donc pas très loin des côtes colombiennes. Mais pour diverses raisons, ce rendez-vous n'a pas lieu. Les faux maquisards choisissent alors la capitale de la Thaïlande, Bangkok. Et Bout accepte de faire le déplacement. Il veut en effet mener lui-même l'affaire à terme. Et c'est le piège? Oui, en parfaite collaboration avec la police du pays, les nombreux agents de la DEA montent un véritable traquenard dans la salle de conférence d'un hôtel de la ville. Et Bout est arrêté au beau milieu de la transaction. En flagrant délit, donc. C'est ça. La suite est beaucoup plus aléatoire. Et pourquoi? Parce que les Thaïlandais ne sont pas très pressés de répondre positivement à la demande d'extradition formulée par les autorités américaines. Mais je vous propose de voir cela ultérieurement, c'est une des clés de cette affaire. En tout cas, pour l'instant, Bout dort toujours dans une prison de Bangkok. Hein. Alors, après ce préambule, voyons plus précisément qui est le mystérieux Victor Bout. Un homme dont pendant des années, on n'a possédé aucune photo. Et autant vous le dire tout de suite, beaucoup des éléments biographiques que nous possédons sur lui demeurent très flous. Mais essayez quand même. Naturellement, sa date de naissance d'abord. Bout, on en est sûr, est né en janvier 1967. Mais où? Alors ça, c'est autre chose. Selon certains, il serait né au Tadjikistan de parents russes. Mais pour les services secrets sud-africains, qui se sont beaucoup intéressés à lui, Bout serait au contraire originaire d'Ukraine. Enfin, dans l'une de ses rares interviews, il aurait lui-même déclaré être né au Turkménistan. On retrouve la même confusion quant à son patronyme. Mais au fond, peu importe. Ces divers noms d'emprunt lui ont en tout cas permis de disposer de plusieurs passeports. Ouais, pratique, ça. Et sa carrière? D'après ce que l'on sait, Bout serait d'abord passé par l'Institut militaire des langues étrangères de Moscou. Un élève particulièrement doué qui va pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues. Et j'imagine que ça lui sera plus tard très utile. Hein. Bien sûr, on dit même qu'il parle plusieurs langues ou dialectes africains. Et assez logiquement, quand vient le moment d'accomplir son service militaire, Booth est affecté dans l'armée de l'air en tant qu'officier interprète. Mais dès ce moment, le plus grand flou commence. C'est-à-dire Les services secrets soviétiques, KGB et GRU, surveillaient très près cet institut des langues étrangères. Ils y recrutaient? Naturellement. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé à Booth? J'en suis persuadé. Ensuite, sans qu'on ait beaucoup de précisions, il aurait fait ses premières armes, pardonnez-moi le jeu de mots, en Afrique et même à Rome. Mmh. En tant qu'agent de renseignement? Certainement. Autre élément très intéressant, le père de son épouse aurait occupé un poste important au KGB. Ouais, effectivement, ça aide. Alors Booth, né en 1967, avez-vous dit, a donc 24 ans quand l'URSS cesse d'exister. Hein. Alors, que devient-il? Il va presque immédiatement se lancer dans les affaires. C'est assez logique. Pourquoi? À mon avis, Booth fait partie de cette cohorte de jeunes officiers du KGB qui ont été préparés à affronter la désintégration de l'Empire. Vous m'avez même dit autrefois que l'initiative venait de Youri Andropov. Andropov, patron du KGB avant de devenir le numéro 1 soviétique, oui. Pour lui, le KGB devait survivre au désastre et même devenir le fer de lance de la reconquête. Et il est troublant de constater qu'après la parenthèse Etsine, les hommes de l'ancien KGB, dont Poutine, ont trusté les meilleures places à tous les niveaux politiques et économiques. Mais enfin, vous connaissez tout cela. Booth serait donc l'un d'entre eux. Et la façon dont il commence à faire des affaires le laisse supposer, oui. Cet entreprenant jeune homme a une idée toute simple. L'effondrement de l'Empire va se traduire aussi par un démembrement du pacte de Varsovie. Oui, le pacte militaire entre les démocraties populaires. Conséquence, les arsenaux qui existent dans tous ces pays, mais aussi dans les républiques de l'ex-URSS, qui vont voler de leurs propres ailes, seront démantelés. Mais on pourra se procurer des armes à des prix défiant toute concurrence. C'est ça. On verra même des militaires vendre des armements pour leur propre compte. En tout cas, Booth est l'un des premiers à profiter de l'occasion. Seulement, pour commencer, il lui faut des protections et une solide mise de fonds. Or, Booth va bénéficier miraculeusement des unes et de l'autre. Sinon, comment expliquer que ce jeune homme désargenté ait pu acheter dès ses débuts 3 avions cargo Antonov pour la bagatelle de quelques dizaines de milliers de dollars? Ouais, ce qui n'est pas cher payé, hein, même si ces appareils n'étaient peut-être pas de la première jeunesse. Hein. D'accord, mais il a fallu trouver cette somme. Quand même. Et vous pensez qu'elle venait d'où alors? De longue date, le KGB avait mis de l'argent de côté, souvent à l'étranger. Rappelez-vous, par exemple, ce que je vous avais dit sur la mystérieuse disparition du trésor du Parti communiste. Ouais. Donc, si je vous ai bien entendu, c'est le KGB qui l'aurait mis en selle. Ça me semble évident, non? Et remarquez-le, Booth ne donnera jamais d'explication sur l'origine des fonds qui lui ont permis de débuter. Rendez-vous avec X. Confirmation des propos de M. X sur le site amnistia.net sous la signature d'Alain Astot. Extrait. Victor Booth est l'archétype de ces citoyens russes formés par l'appareil soviétique qui, à la faveur de l'effondrement du système communiste, vont se reconvertir du jour au lendemain et sans complexe au capitalisme le plus effréné. Son ascension dans le monde du transport aérien, puis dans le cercle très fermé des trafiquants d'armes, sera fulgurante. Trop pour ceux qui refusent de croire à la légende du self-made man. On suppute que Victor Booth est un ancien agent du KGB, sans en apporter la preuve. De sources américaines, on soutient que son beau-père aurait également occupé un poste important dans les renseignements. Dans « Marchand de mort », l'un des meilleurs portraits qui lui ait été consacré, le journaliste André Verloy évoque de possibles liens entre l'homme d'affaires et le major général Vladimir Marchenko, directeur au ministère des Affaires intérieures russe, qui a fait sa carrière dans le contre-espionnage. Thank you. propriétaire d'avions gros porteurs, Victor Bout doit, si j'ose dire, les remplir. Et là, il n'a que l'embarras du choix. Les arsenaux de l'ex-empire regorgent d'armes et d'équipements les plus variés, parfois très sophistiqués. Il suffit de graisser la patte de ceux qui en ont le contrôle, c'est ça? Oui, des officiers mal payés quand ils sont payés. En outre, facilité supplémentaire, ces arsenaux disposent généralement de pistes d'atterrissage. C'est le cas en Ukraine, en Moldavie, dans la petite Transnistrie, mais aussi en Tchécoslovaquie ou en Bulgarie, et bien entendu sur tout le territoire de l'ex-URSS. D'accord, alors, ces trafics peuvent passer inaperçus lorsqu'il s'agit de grappiller quelques kalachnikovs et des lance-roquettes, mais quand ces équipements sont plus lourds? Par exemple, des blindés, des missiles ou des hélicoptères. Il est évident qu'il faut bénéficier de complicité au plus haut niveau. Et Bout, c'est certain, n'en manque pas. Ce qui accrédite votre thèse sur sa proximité avec les anciens services secrets. Et alors, avec qui commence-t-il à trafiquer? Les clients ne manquent pas. Il y a d'abord les anciens acheteurs d'armement de l'URSS. Ils sont toujours demandeurs. Et puis, en cette décennie 90, les conflits explosent dans le monde entier. Dans les Balkans, en Afghanistan, mais surtout en Afrique, où Bout va se montrer hyperactif, quitte à fournir en même temps des camps adverses. L'essentiel étant de vendre, hein. Au plus offrant. Hein. Bout n'est pas homme à s'embarrasser de moral. Je veux bien, mais si l'on suit votre hypothèse, la Bout agent des services secrets russes, quel est l'intérêt de ces derniers dans ce trafic? Il est multiple. À l'occasion, les avatars des services russes qui ont succédé au KGB peuvent exercer leur influence sur tel ou tel conflit. Mais à mon avis, il existe aussi une raison plus triviale, l'argent. Nous allons le voir, le commerce de Bout va générer des profits considérables. Et un service secret, quel qu'il soit, ne rechigne jamais à se constituer un discret magot qui échappe ainsi à la curiosité de la justice ou de la représentation populaire. Mais on en reparlera de ça. Auparavant, voyons d'abord comment Bout va devenir un géant du commerce privé de la mort. Mais je vous écoute. Le coup de génie de Bout, c'est ses avions. Expliquez-moi. Le trafiquant a compris que la possession d'une flotte aérienne lui apporterait un atout formidable dans la compétition féroce qui existe entre tous les marchands d'armes. Quand vous n'ignorez pas la partie la plus difficile dans ce commerce, c'est l'acheminement des produits qu'on vend. Et grâce à ses avions, alors Bout est en mesure de satisfaire ses clients. Du porte-à-porte. Les armes sont livrées au cul de l'avion, comme disent les brocanteurs. Oui, peut-être, mais le trafic aérien est surveillé. Enfin, il existe des autorités nationales et internationales. Alors, Bout va inventer un deuxième concept très original, le blanchiment de trafic aérien. Ce qui veut dire... Bout ira jusqu'à posséder une soixantaine d'appareils. Mais leur statut juridique ne cessera de changer. Ces avions de transport seront immatriculés dans des compagnies qui, à peine créées, changeront de nom. D'autres machines seront provisoirement prêtées en leasing à des sociétés improbables. Moldaves, Kenyanes ou Afghanes, bref. Bout s'est débrouillé pour créer un véritable maquis de compagnies qui lui permettront d'échapper en permanence au contrôle. Et il en va évidemment de même pour les certificats de navigabilité, car ces avions ne sont pas toujours en excellent état de vol. Bout joue donc avec ce qu'on appelle dans le transport maritime les pavillons de complaisance. C'est exactement ça, oui. Parallèlement, le trafiquant a mis au point un système qui lui permet de jongler avec les pièces administratives qui autorisent les exportations d'armes en utilisant des certificats d'utilisation finale et de non-réexpédition qui lui sont fournis contre monnaie sonnante et trébuchante par les États complaisants. Exemple. Bout veut exporter des armes en Angola, un pays soumis à un embargo international. Il achète l'un de ses certificats à un pays qui n'est pas en guerre, comme le Togo, et l'affaire est jouée. Au besoin, pour tromper les autorités internationales, son avion fera un petit saut de puce sur l'aéroport de Lomé et repartira pour Luanda. Avec les armes qui sont toujours à bord. Bien sûr. Ouais. Et où Victor Bout a-t-il établi le QG de son entreprise? Il faut d'abord dire que la structure qu'il a mise en place est très souple. À la rigueur, il pourrait s'installer n'importe où avec un téléphone et un fax. Mais il est vrai que, croissance aidant, il doit quand même se faire épauler. Et en 1995, il s'établit à Ostende, en Belgique. Et pourquoi ce choix, hein? Ostende possède un aéroport spécialisé dans l'aviation de tourisme et de transport de marchandises. C'est très pratique. En même temps, Bout crée une société avec un baroudeur français, Michel-Victor Thomas, qui navigue depuis longtemps dans les milieux aéronautiques. Un type très utile, ce Victor Thomas. Il entretient les meilleures relations du monde avec nos services de renseignement et l'armée française. Un peu barbouche ? Il est en tout cas capable de rendre de grands services quand on s'adresse à lui en toute urgence. Et grâce à lui, avant même qu'il soit associé, Booth va se voir décerner un discret certificat d'honorabilité. C'est un point relativement méconnu, mais ce sont les Antonov de Booth qui vont pallier l'insuffisance des moyens de transport de l'armée française lors de la mise en œuvre de l'opération Turquoise en juin 1994. Mais au Rwanda, après le génocide. Oui, oui. Mais ce faisant, les généraux français, savaient-ils qu'ils s'adressaient à un trafiquant d'armes à la réputation douteuse ? Je n'imagine pas qu'ils aient été dépourvus d'une élémentaire curiosité. Enfin. Et de son côté, Booth n'a pas dû être mécontent, j'imagine, de donner un coup de main à une armée légale. C'est certain. Mais on le verra par la suite. Sans doute pour faire oublier le côté sombre de son activité, Booth ne rechignera jamais à se mettre au service d'États reconnus et même d'organisations humanitaires. Ainsi, ces avions transporteront des troupes belges en Somalie dans le cadre de l'opération Restore Hope. Plus tard, il acheminera de la nourriture en Afrique pour le programme alimentaire de l'ONU. Et ces appareils seront encore utilisés en Asie du Sud-Est pour venir au secours des populations frappées par le tsunami de 2004. Mmh. Au fond, c'est assez malin. Très malin, même. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En quelque sorte. Mmh. Et ça va se vérifier spectaculairement au milieu de ces années 90. En Afghanistan, Booth devient un fournisseur en armes attitré du célèbre commandant Massoud. Le lion du Panjshir. Et le chef de l'Alliance du Nord, oui. Il serait même devenu un ami personnel de Massoud. Mais en même temps, Booth, après une rocambolesque aventure de l'un de ses équipages, ne va pas hésiter à devenir aussi l'un des marchands d'armes des talibans. Les pires ennemis de Massoud. Il n'agira pas autrement en Angola, où il approvisionnera aussi bien l'armée gouvernementale de Dos Santos que les rebelles de l'UNITA de Savimbi. Mais ce qui doit quand même l'obliger à de sérieuses contorsions. Hein. Ah mais comme ses compagnies d'aviation changent sans cesse de nom, il peut masquer ses activités et servir plusieurs clients adversaires à la fois. Et puis, je vous l'ai laissé entendre, il a étoffé sa petite structure. En dehors de ce baroudeur qui lui a servi de poisson pilote lors de l'opération Turquoise, Booth s'est trouvé deux associés hors pair qui vont chacun, à leur manière, lui rendre de grands services. Cependant, il est parfois dangereux de partager ses secrets quand on fait métier de vendre des produits aussi sensibles que les armes. Que voulez-vous dire, Eh bien, prenons le cas du premier. C'est un Indien né au Kenya, Sanjeevan Rupra, qui disposerait de la nationalité britannique. Lorsqu'il rencontre Victor Booth, il a déjà une solide expérience africaine. En effet, il a travaillé dans l'ex-Zaïre avec une compagnie minière britannique liée à la trop fameuse société de mercenariat Executive Outcomes. L'ex-Zaïre, devenue la République démocratique du Congo, qui regorge de richesses naturelles. Or, diamants, coltan, ça attire beaucoup de monde, et pas toujours du meilleur. Mais Rupra ne s'intéresse pas qu'à la RDC. Il a aussi obtenu 3 permis d'exploitation de diamants au Libéria. Et pour cela, il a directement négocié avec le sanguinaire dictateur du pays, Charles Taylor. Mmh. Bien entendu, ce dernier a exigé sa part, 30% de production. Ouais. La production de ce que l'on appelle les diamants de sang. Oui, parce que leur production s'accompagne de multiples exactions et de l'exploitation éhontée des mineurs réduits à l'état d'esclaves. Et elle déchaîne des guerres meurtrières tant au Libéria qu'en Sierra Leone. Mais ça produit aussi des bénéfices fabuleux. Et toutefois, pour arriver à ses fins, Taylor a besoin d'armes pour renforcer sa petite armée de tueurs. Et c'est ainsi que son ami Rupra va s'adresser à Victor Booth. Il va s'empresser, j'imagine, de lui donner satisfaction. D'autant plus que Taylor va le payer en diamant. Mm. Mais en s'associant avec Rupra, Booth, il ne le sait pas encore, a introduit le verre dans le fruit. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Avant de poursuivre, quelques mots sur Charles Taylor, ancien président du Libéria, aujourd'hui traduit devant le Tribunal pénal international de La Haye. Je les ai trouvés dans le livre de Laurent Léger, « Trafic d'armes », publié par Flammarion. Le président Charles Taylor a été cité comme partie prenante, voire instigateur, des rébellions chez tous les voisins du Libéria. La Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Véritable parrain des rebelles sierra-léonais, il aurait financé l'invasion en 1991 de la Sierra Leone par le RUF, les rebelles de Sierra Leone, pays voisin, à partir du Libéria et les aurait armés. Véritable gisement de diamants depuis que les premières gemmes ont été extraites dans l'est du pays en 1930, la Sierra Leone attire toutes les convoitises. Le conflit civil qui a ensanglanté le Libéria a fait plus de 30 000 morts, des milliers de mutilés et plus d'un million de réfugiés. Un photographe de l'agence Gamma, Noël Kidu, a pris un cliché terrible dans une rue de Monrovia, la capitale. Un cliché inoubliable qui fut publié partout. On y voit un milicien du président exhiber la tête d'un rebelle. Les images qui suivent sur la pellicule sont bien pires, mais je ne les ai montrées à personne, expliquait le photographe à Libération en septembre 2004. Devant l'objectif, le milicien a mordu le morceau de cadavre à pleines dents. Avec Rupra, Bout a introduit le ver dans le fruit. Là. Qu'est-ce que ça signifie ? L'Indien associé de Bout est devenu peu à peu un personnage incontournable au Libéria. C'est si vrai que Taylor lui confie une fonction officielle tout à fait exceptionnelle. La tenue du registre libérien de l'aviation. Eh ben ça doit bien arranger Bout, hein, qui va pouvoir immatriculer sans problème ses avions au Libéria. Évidemment, il y implante sa principale compagnie aérienne. Et bien entendu, ses appareils sont associés au trafic des diamants de sang. Ouais. Bout est donc complètement impliqué. Oui, oui, mais peu à peu, au début des années 2000, la communauté internationale s'émeut. Charles Taylor va être mis au banc des nations et l'ONU va établir une liste noire des personnages de son entourage. Autant de types qui ne pourront plus voyager s'ils ne veulent pas être arrêtés. Les États-Unis en particulier s'intéressent beaucoup à Taylor. Et pas seulement parce que c'est un dictateur sanguinaire. À quoi d'autre alors ? Washington le soupçonne d'entretenir des relations avec Al-Qaïda. Et pour les Américains, après le 11 septembre, c'est beaucoup plus important que tous les crimes et mutilations dont il est responsable. Oui, mais attendez, quel pouvait être l'intérêt d'Al-Qaïda pour le Libéria ? L'organisation terroriste aurait, elle aussi, vendu des armes à Taylor et aurait été payée comme Bout en diamant. Quoi qu'il en soit, les Américains veulent bien sûr en savoir plus sur ces trafics. Et dans ce but, ils approchent Rupra et lui mettent un marché en main. S'il consent à leur donner des informations, les États-Unis useront de toute leur influence pour qu'il soit rayé de la liste noire des proches de Taylor. Et Rupra accepte ? Oui. Donc il va non seulement trahir Taylor, mais aussi son associé, Bout. Hein. Exactement. et il va livrer aux Américains des informations très précises sur les multiples trafics des marchands d'armes. Mais ce dernier, vous allez le voir, a plus d'un tour dans son sac et il va parvenir à se sortir de ce mauvais pas. Attendez, vous m'avez parlé là d'un deuxième associé. Hein. Oui, oui, vous avez raison de me le rappeler. Celui-là est un citoyen états-unien d'origine syrienne, Richard Shishlakli. Il a d'abord été expert comptable, un métier qui lui a permis de devenir aussi un spécialiste de la fraude fiscale. Puis il a travaillé une dizaine d'années dans le contrôle du trafic aérien et collaboré avec l'US Air Force. Autant de compétences qui ont dû intéresser Boudin. C'est pourquoi il en a fait son associé. C'est Shishlakli, devenu directeur financier des sociétés de Boot, qui va superviser l'implantation du nouveau QG de Boot à Sharjah dans les Émirats Arabes Unis. Après Ostende, ouais. La situation de Boot en Belgique devenait un peu trop brûlante. Mais Shishlakli ne se contentera pas d'être le grand financier de la boutique. Il mettra aussi sur pied, à partir de la Somalie, une plaque tournante du trafic d'armes à destination de l'Afrique de l'Ouest. Mais la Somalie, un état de non-droit. Hein. Tous les trafics sont donc possibles, oui. Mais Shishlakli, citoyen américain, je vous le rappelle, va offrir en 2003 à son associé une occasion formidable de se rabibocher avec les États-Unis. Mais malgré ses relations sulfureuses. Et son implication dans les combines sanglantes de Taylor. Oui. Ouais. 2003, c'est l'année de l'invasion de l'Irak. Hein. Et les États-Unis, eux aussi, vont avoir besoin de la flotte aérienne de Victor Boot. Malgré tous les moyens dont ils disposent. C'est la vérité. Et à partir de 2004, les gros porteurs des compagnies de Boot vont effectuer des dizaines de rotations à Bagdad. Et comme je vous le disais au début de cet entretien, c'est l'armée américaine qui les ravitaille en kérosène. Et ça ne choque personne. Il est sûr que certains fonctionnaires états-uniens parfaitement informés de la nature des activités principales de Boot doivent grincer des dents. Enfin, les ordres viennent de Washington. Et pour George Bush, la guerre en Irak est une priorité. Et on oublie alors Al-Qaïda avec laquelle Boot a peut-être fricoté ? Momentanément, en tout cas. Même si on saura opportunément s'en rappeler plus tard. Car Boot sera très sérieusement soupçonné d'avoir vendu à Al-Qaïda des armes et même des gaz toxiques. En tout cas, alors, grâce à cette coopération avec les États-Unis, là, à propos de la guerre d'Irak, Victor Boot se refait une virginité, en quelque sorte. Et il faut dire qu'il en avait bien besoin, parce que ça allait de plus en plus mal pour lui. Ça commençait à sentir le roussi. Quelques faits. En 2000, un tribunal centrafricain le condamne par contumace à 2 ans de prison pour fraude et délit à l'encontre des lois aéronautiques du pays. Mais Boot a de la ressource. Et comme par hasard, 3 mois plus tard, un autre magistrat annule la sentence. Pot de vin. On peut le penser. Mais ce n'est qu'un début. À la fin de cette même année, l'ONU publie 2 rapports mettant en cause le rôle de Boot dans les conflits africains en Angola, au Libéria et en Sierra Leone. Et c'est peu après que le Conseil de sécurité le place sur une liste noire, lui interdisant en principe de voyager et recommandant le gel de ses biens et des avoirs de ses compagnies aériennes. Ouais. Encore, faut-il être capable d'appliquer ces mesures. Vous avez raison. Et le système Boot est si complexe que c'est presque impossible. Ouais, car il faut d'abord identifier précisément ces compagnies qui changent sans cesse de nom et de pavillon de complaisance. Et n'empêche que ça chauffe de plus en plus pour Boot. En 2002, Interpol publie un rapport particulièrement accusateur contre le marchand d'armes. On y détaille toutes les activités africaines de Boot. Et le titre de ce document est sans ambiguïté. Pierre de sang. Ouais, de sang. Les diamants, quoi. Et l'Organisation internationale de police préconise l'arrestation du trafiquant. C'est un mandat d'arrêt international ? Pas encore, mais enfin, ça y ressemble. Et puis, ce sont les Belges qui s'y mettent. Ils portent plainte contre Boot pour un recyclage d'argent sale portant sur la coquette somme de 325 millions de dollars. Et ça justifie son départ d'Ostende. Et enfin, pour couronner le tout, les services de renseignement sud-africains publient un rapport très complet sur Boot et mettent en évidence ses liens avec les ex-militaires de la période de l'apartheid, des individus qu'on retrouve souvent aux commandes de ces avions. Tout ça fait beaucoup. Hein. Et c'est pourquoi Boot finira même par quitter son asile doré des Émirats Arabes Unis pour retourner dans sa chère Russie. Ou du moins, il est sûr que personne ne lui cherchera noise. Mais étant donné la nature dangereuse de ses activités, est-ce qu'on n'a jamais essayé de se débarrasser physiquement de lui des services secrets ou peut-être même des concurrents ? À 2 reprises, il a échappé à des attentats. En Afrique du Sud et en Belgique, il a failli se faire arrêter. Ouais, mais tout cela C'était donc avant qu'il ne rende service aux forces de la coalition en Irak. Oui, et en 2004, très bizarrement, son nom disparaît de la liste noire de l'ONU. Ah oui, bizarrement. Que s'est-il passé? Les États-Unis ont fait pression sur le Conseil de sécurité. Alors, par conséquent, Booth redevient fréquentable. Toutefois, échaudé, Booth décide de rester prudemment en Russie, même s'il a désormais la possibilité de se déplacer à l'étranger. Mais il finira quand même par tomber dans ce piège que la DEA lui tendra en Thaïlande. Ça signifie donc que les États-Unis vont à nouveau changer de position. Alors pourquoi? Il y a, à mon avis, plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est que les Américains n'avaient plus besoin de Booth. Ouais, parce qu'ils n'avaient plus autant de matériel à convoyer en Irak. Donc Booth n'étant plus utile, ils l'ont laissé tomber. En outre, étant donné tout ce qui était reproché au personnage, le fait d'avoir recours à ses services devenait vraiment très embarrassant. Pour l'administration états-unienne. D'autant que dans cette même administration, il y avait des gens qui voulaient absolument avoir sa peau. Oui, à la DEA là, en particulier. Hein. Et sans doute aussi dans quelques services de renseignement où l'on avait guère apprécié son double jeu en Afghanistan. Et puis, il y avait la Colombie. Oui, les FARC. Là. Oui, en armant les FARC et en leur procurant des armements sophistiqués comme des missiles solaires capables de détruire en vol des hélicoptères, Booth s'en prenait directement aux Américains, qui sont fortement impliqués en Colombie. Oui, dans le cadre de la lutte anti-drogue. Hein. En principe. Mm. Mais ce combat cache souvent des engagements contre les guérilleros des FARC. Cependant, il y avait une dernière raison, peut-être la plus importante. Alors, allez-y. Bien sûr, la guerre froide est terminée. Mais pas la lutte entre les services de renseignement. Et dans certains domaines, elle est peut-être encore plus âpre qu'autrefois. À Washington, on savait depuis longtemps que Booth était un homme des Russes. Un agent, vous voulez dire? C'est plus compliqué que ça. Un homme, en tout cas, dont Moscou se servait ponctuellement. Et qui intervenait de façon particulièrement désagréable pour les États-Unis dans un certain nombre de points chauds du globe. Aussi, quand l'occasion de pouvoir le neutraliser s'est présentée, la DEA a reçu un feu vert au plus haut niveau. Et les Américains n'ont pas tardé à avoir la preuve qu'ils avaient tapé juste. Car dès l'arrestation de Booth, les Russes ont tant et plus. Et réclamé la libération de Booth. Officiellement, oui, en passant par la voie diplomatique. Mais si pour l'instant Bangkok n'a pas encore accepté d'extrader Booth, c'est que le gouvernement thaïlandais craint d'être victime de représailles de la part de Moscou. En guise de conclusion, je vous propose quelques lignes extraites d'un article du Point signé Olivier Weber. Après avoir cité un auteur qui présente Victor Booth comme un trafiquant qui a su exploiter au mieux les failles de la globalisation anarchique, Weber écrit « Figure par excellence de l'acteur transnational et non étatique, protégé par le FSB russe, Booth s'est longtemps cru au-dessus des lois, avec son énorme flotte privée jusqu'à 60 avions pour beaucoup immatriculés au Liberia et au Swaziland. Homme de l'ombre, personnage à la Dostoïevski, le marchand de mort est avant tout un joueur fasciné par le tapis vert, couleur jungle. C'était compté sans la ruse de ses adversaires au jeu de la roulette. Le parrain érudit ne pouvait être toujours gagnant. À lire le hors-série du quotidien Le Monde, le bilan géostratégie 2010 sous la direction de Martine Jacquot et Nathalie Nougued. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et nous demander les renseignements que vous voulez. Merci à Valérie, à Yesteraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, on va dans la nature, c'est Denis Chessou.